Je déboule l'Atlantique par tous les temps, cavalcade fantastique, les tempêtes, les coups de vent. Je surveille l'horizon, je veille à la barre, j'en ai jamais marre de surfer sur le vague, vague alarme, grand vacarme, que le temps est là. C'est le vent des globes, c'est le vent, le vent, le vent. C'est le vent des globes, c'est le vent, le vent, le vent. Je vois l'Antarctique, terre blanche fantastique, sous le soleil câlin, sur mon voilier atomique, où tout est automatique.